من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Quand Urwa ibn Mas'ud est allé voir Quraysh, il était dans le camp où se trouvait le professeur sallam, dans la plaine d'Al-Hudaybiya. Il est retourné voir Quraysh, étonné, stupéfait, et il a dit aux gens, j'ai été envoyé comme ambassadeur au Négus, j'ai été envoyé comme ambassadeur à Khosroès, j'ai été envoyé comme ambassadeur à César, mais jamais j'ai vu des gens honorer et respecter leur roi comme les compagnons respectaient Mohammed. À peine il parle, il donne un ordre, ça y est, l'ordre est déjà accompli. Quand il parle, il se taise. Il ne le dévisage même pas. Quand il fait ses ablutions, Il se précipite pour recueillir l'eau qui tombe de l'eau qu'il sert à ses ablutions. Il a dit, je n'ai jamais vu des gens respecter un roi comme les compagnons respectaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, il vous a proposé quelque chose, il vous a proposé, il vous a fait une concession amiable, acceptez-la donc, ça sera bien pour vous. Parce que si jamais vous le combattez, ses compagnons ne vous laisseront jamais tranquille. Ils ne vous laisseront jamais tranquille. Puis, le professeur Salam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son chameau, un chameau à lui qui s'appelle Al-Sa'lab, et il l'a donné à un homme, un de la tribu de Khuza'a, qui s'appelle Khurasha ibn Umayya al-Khuza'i. Il l'envoya comme émissaire à Quraysh. À son arrivée, dès qu'il est arrivé au camp où se trouvait Quraysh, ils tuèrent le chameau. Ils ont tué le chameau sur lequel montait Khurasha ibn Umayya al-Khuza'i. Et ils ont failli tuer cet émissaire-là, n'eût été que Hulays et les autres Ahabish intervinrent pour sauver cet homme-là, et ils lui ont sauvé la vie et lui permirent de retourner au camp où se trouvait le prophète sallam. Hulays, on a parlé de Hulays, c'est le notable des Ahabish. Les Ahabis, c'est une tribu qui regroupe les affranchis de différentes tribus. Et c'est un homme qui respectait beaucoup les offrandes, qui respectait beaucoup ce que les pèlerins sacrifient pour Allah dans le sanctuaire. Et là, les Quraysh, ils veulent s'assurer davantage. D'accord, ils ont envoyé Urwa ibn Mas'ud, ils ont envoyé Budayl ibn Warqa, ils ont envoyé beaucoup de monde, mais ils n'étaient pas sûrs. Ils voulaient savoir qu'est-ce qu'il voulait le prophète. Que voulait-il exactement? D'accord, il est en tenue de Ihram, mais il a les armes sur les montures. Et pourquoi il n'est pas rentré? Pourquoi il n'est pas rentré par force dans le sanctuaire? Et ils ont voulu s'assurer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé 80 hommes armés. 80 jeunes hommes armés, ils ont dit et leur ont demandé de prendre en captivité un des compagnons du prophète sallam. Comme ça, ils le ramenèrent et ils l'interrogèrent pour s'assurer de ce que veut le prophète sallam. Dès que ces 80 hommes s'approchèrent, le prophète sallam, il était vigilant. Il avait toujours ses gardiens. Dès que ces 80 hommes s'approchèrent, ils furent encerclés par les compagnons du prophète sallam. Tous pris en captivité. Ils ont voulu prendre un ou deux hommes. Maintenant, les 80 hommes sont pris en captivité. Et quand les Quraysh furent informés que les 80 hommes ont été pris en captivité, ils ont dit, ça y est, il a voulu nous combattre, et ils se préparèrent à combattre. Et là, le prophète sallam, il a libéré les 80 hommes. Il a dit, retournez-vous. Pour dire aux Quraysh que nous, nous ne voulons pas combattre. Nous, nous sommes ici pour faire la Umrah. Ça veut dire le petit pèlerinage. Et il libéra les 80 hommes. Et puis quand le professeur sallam, il a réfléchi, il a dit, les Quraysh, ils sont têtus, ils ont envoyé des émissaires, ils ont voulu prendre en captivité un de ses compagnons. Il a dit, bon, ce que je vais faire maintenant, c'est parlementer avec le chef, Abu Sufyan. Je vais parlementer directement, je vais lui envoyer un émissaire qui lui parle directement. Pour épargner tout combat ou pour dialoguer, pour conclure un accord. Et il appela Omar ibn Khattab. Il a dit, tu vas discuter avec Abu Sufyan. Omar ibn Khattab, il s'excusa. Il dit, envoyé d'Allah, tu connais jusqu'à quel point je haïs ces gens-là, jusqu'à quel point ils me haïssent. Et il n'y a personne de mon clan, les Bani Adi, qui est capable de me défendre si jamais il y a quelque chose entre nous. Parce que je ne vais pas les supporter, il se peut que je vais tuer l'un de leurs, ils vont me tuer. Et puis il a dit au professeur sallam, je te propose d'envoyer quelqu'un qui a une parenté là-bas, qui a des gens qui le défendent. Envoie Othman. Othman ibn Affan, il fait partie de Bani Umayya. Et Abu Sufyan, il fait partie de Bani Umayya. Donc, Othman ibn Affan, il a ses parents à la Mecque, ils peuvent le protéger. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il accepta la proposition de Omar et envoya Othman. Il fut accueilli par Aban ibn Sa'id ibn al-As. Aban ibn Sa'id ibn al-As, c'est un proche parent de Othman. Dès qu'il est rentré dans le haram, dès qu'il est rentré dans la frontière, il fut accueilli par cet homme-là qui fait partie de Bani Umayya. Et Aban ibn Sa'id, il est associateur, il descendit de sa monture et il fut monté à Othman. Et se mit derrière lui, il appela les gens, il a dit, moi, je protège Othman, personne ne le touche. Et il le conduisit jusqu'à Abu Sufyan et les notables de Quraysh. Il le conduisit jusqu'à Abu Sufyan, à qui il a transmis le message du prophète, comme quoi le prophète, il n'est pas venu en guerrier, mais uniquement pour rendre visite à la demeure sacrée d'Allah. Abu Sufyan, il l'accueillit et il invita Othman à faire le tawaf. Il a dit, si tu veux faire le tawaf autour de la Kaaba, fais-le. On ne va pas t'interdire ça. Il a dit, par Allah, je ne le ferai jamais, avant que le prophète ne le fasse. Et puis, il a transmis le message. Et puis, il a dit, il s'est préparé pour quitter la Mecque. Et Abu Sufyan, il l'empêcha, il l'a pris en otage. Il a dit, tu ne vas pas partir, tu restes. Tu restes jusqu'à ce qu'on conclue un accord. Tu restes. Et le professeur Salam, il attendait Othman. Othman n'est pas venu. Et puis que les rumeurs commencent à circuler. On sait que les rumeurs, elles grandissent. Et puis l'information s'est parvenue, modifiée au professeur Salam, comme quoi Othman a été tué. Othman a été tué. Quand le professeur Salam, il fut informé que Othman a été tué, il appela les compagnons. Et il décida de combattre. Donc le hadith où il y a l'envoi de Quraysh et l'envoi de Othman et la fausse information, il est rapporté par l'imam Ahmed et dans son Musnad, et par Ibn Hisham et par Ibn Sa'd fi Tabaqat et Tabari, c'est un hadith authentique. Et donc il invite à les compagnons à prêter le serment à combattre. Serment, selon des versions, c'est un serment de ne pas fuir. Selon d'autres versions, serment de la mort. C'est-à-dire qu'ils doivent combattre jusqu'à la mort. Ma'qal ibn Yasar était à côté du prophète, il tenait une branche, le prophète était sous un arbre. Et il appela les gens à prêter le serment d'allégeance, c'est-à-dire le serment de la mort ou de ne pas fuir. Le premier à avoir prêté serment, c'est Abu Sinan Abdullah ibn Wahb al-Usdi. Le hadith est rapporté par Al-Bayhaqi dans Dalail et dans l'Isaba. C'est un hadith authentique. Le premier à avoir prêté serment. Il a dit, je prête serment, soit le triomphe, soit tomber martyr, fi sabilillah. Et puis le professeur sallam, il appela Salama ibn al-Aqwa, radiyallahu anhu. Il a dit, oh Salama, viens prêter serment. Il a dit, oh, envoyé d'Allah, j'étais parmi les premiers à avoir prêté serment. Il a dit, oui, je sais, mais refais-le une deuxième fois. Et il l'a refait. Il a refait, il a prêté serment au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, il y a 1400 hommes, c'est long. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, oui, il a vu Salam ibn al-Aqwa sans armes. Et il lui a donné un bouclier. Il a dit, voilà, s'il y a un combat, tu vas te défendre avec ça. Et il a donné ce bouclier-là. Il a prêté le serment avec les compagnons, puis il a rappelé de nouveau Salama ibn al-Aqwa. Oh Salama, viens, n'as-tu pas prêté serment? Il a dit, envoyé d'Allah, je viens de prêter serment au début ou au milieu. Il a dit, refais-le. Et puis il a dit, où est-ce qu'il est ce bouclier que je t'ai donné? Il a dit, envoyé d'Allah, j'ai vu un compagnon sans armes, il n'a rien du tout, et je lui ai donné. Lui, il est sans armes, et il a donné le bouclier à son frère pour se protéger s'il y a un combat. Subhanallah. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souri, il a dit un proverbe d'antan comme une personne qui a invoqué Allah, il a dit, donne-moi un ami qui est plus cher que moi-même, que j'aime plus que moi-même. Il a dit, ta semblance est celle de l'homme qui est d'antan qui a dit, oh Allah, donne-moi quelqu'un que j'aime plus que moi-même. Le hadith est rapporté par Muslim, hadith 1807, Abu Daoud al-Bayhaqi. Donc on déduit qu'il est autorisé de refaire le pacte, c'est-à-dire le béa, c'est ce qu'on appelle le béa. L'émir, il est autorisé de rappeler quelqu'un une deuxième fois, de le reconvoquer pour refaire le pacte avec lui s'il sait que cet homme-là est très important dans le combat. Parce que le prophète sallam dit sur Salam ibn al-Aqwa, il dit sur lui « Khayru rijalatina Salama ibn al-Aqwa ». Le meilleur de nos hommes qui sait bien combattre à pied, c'est Salam ibn al-Aqwa. Le meilleur de nos fantassins, c'est ça? Le meilleur de nos fantassins, c'est Salam ibn al-Aqwa. Donc, vu l'importance de Salama, on va en parler dans la bataille, dans une razwa qui s'appelle Diqarad, comment il courait tellement vite, les compagnons, il dit, il courait tellement vite qu'il peut dépasser un cheval. Il a dit, c'est Ajib, subhanallah. Et on va en parler. Et puis le professeur sallam leva la main gauche et il a dit, je fais allégeance pour Othman. Il a dit, je fais allégeance pour Othman. Hadi yadi Othman. Et les compagnons, ils ont dit, par Allah, la main gauche du professeur sallallahu alayhi wa sallam, ils vont mieux que notre main droite. Radiallahu anhu. Tous ont prêté serment avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf, on a parlé d'un hypocrite qui était avec eux. Il s'appelle Jadd ibn Qais. Et cet hypocrite, il tenait à se cacher derrière, sous le ventre de son chameau. Il se cachait comme ça. Mais il ne passa pas inaperçu devant Jaber. Jaber ibn Abdillah, radiallahu anhu, il a dit, je l'ai vu blotter sous le ventre de son chameau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith, il est rapporté par un musulman, selon Jaber lui-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donna la bonne nouvelle. Il a dit, vous êtes les meilleurs gens sur cette terre. Les meilleurs sont ces gens-là. 1400 hommes jusqu'à 1500 hommes. Selon un autre hadith de Umm Mubashir rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il ne rentrera pas en enfer quelqu'un qui a prêté serment sous cet arbre. Il ne rentrera pas en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul dans surat al-Fath, parce que surat al-Fath parle du pacte de l'Hudaybiyah. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, inna alladhina yubayi'unaka, innama yubayi'un Allah, yadullahi fawqa aydihim. Ceux qui te prêtent serment d'allégeance ne font que prêter serment à Allah. D'accord? Dans surat al-Fath, verset 10. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا مبينا. الله a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. Il a su ce qu'il y avait dans leur cœur et a fait descendre sur eux la quiétude et il les a récompensés par une victoire proche. Fath mubin, fath Mekka. Fath mubin. Et cet arbre, il s'appelle Shajarat al-Ridwan. L'arbre où a eu lieu le pacte d'allégeance. Il s'appelle Shajarat al-Ridwan. Et il est resté jusqu'à la khilafa de Omar ibn al-Khattab. Et puis, Omar ibn al-Khattab, il fut informé que des gens, ils font la prière près de cet arbre. Puis, Omar ibn al-Khattab, il les a déconseillés. Et puis après, Omar ibn al-Khattab, il a coupé cet arbre pour couper la voie qui mène vers Shirk, vers l'association. Parce que quand des gens vont faire la prière, puis d'autres vont coller, je ne sais pas quoi, ils vont coller des lettres ou des vœux ou des choses, et ils vont associer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils peuvent même chercher la bénédiction de cet arbre, ils vont s'essuyer les mains contre cet arbre. Omar ibn al-Khattab, il a coupé cet arbre. Ibn Hajar, c'est celui qui a fait l'explication de l'imam Bukhari. Il a dit, Ibn Sa'd l'a rapporté avec un bon isnad. C'est un hadith, parce que certains gens ils considèrent que c'est un hadith da'if, mais Ibn Hajar l'a dit que c'est authentique, que Omar al-Khattab a coupé cet arbre. D'autres, parce qu'il nous est rapporté par l'imam Bukhari que Sa'id ibn Musayyib, son père, a dit, j'étais parmi ceux qui ont prêté serment d'allégeance avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on a oublié la position de cet arbre. Donc, soit position oubliée ou coupée par Omar ibn Khattab, de toute façon, la voie qui mène vers l'association a été barrée. Donc, ayant eu connaissance de ce serment, les Quraysh, ils ont pris peur. Les compagnons sont prêts à combattre, Mohammed est prêt à nous combattre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils envoyèrent Suhail ibn Amr. Suhail ibn Amr, ils lui ont dit, va voir Mohammed et conclue une trêve avec lui. Et dans cette trêve, au moins il reporte l'année du pèlerinage. Au lieu de faire l'Umra cette année, qu'il la fasse l'année prochaine. C'est-à-dire qu'il ne rentre pas malgré nous, ils veulent sauver la face si vous voulez. Et le voyant s'approcher, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Suhail sahalallahu lakum. Suhail, ça veut dire facilité. Donc, Suhail s'appelle Suhail. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu, il a dit, Suhail, Allah va vous faciliter votre affaire. Pourquoi? Parce que Suhail, c'est un homme, on ne l'envoie que pour négocier. Ministre des Affaires étrangères, si vous voulez, actuellement. Et ils se sont réunis, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils discutèrent longuement. Avec Suhail, il y avait Mikraz, il y avait Huwaitab, il y avait d'autres notables. Et du côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, il y avait Abu Bakr, Omar, Ali, Mohammed ibn Maslama et d'autres. Et les pourparlers, ils aboutirent à l'accord. Ils se sont convenus de déposer le fardeau de la guerre pour 10 ans. Soleil. Fardeau de la guerre. Pas de guerre durant 10 ans, une trêve. Pendant ces 10 ans-là, les hommes, ils vivront en sécurité et ne feront entre eux aucune violence à condition que quiconque des Quraysh viendra à Mohammed, Mohammed le renverra à Quraysh. Bien que cet homme soit un musulman, si par exemple un homme qui fait partie de, qui habite à la Mecque et qui se convertit à l'islam et il veut rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, conformément à cet accord, il le renvoie à Quraysh. Et quiconque qui fait partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il rejoint les Quraysh, ils ne le renverront pas. Donc en apparence, l'accord est en faveur de Quraysh. Et quand les compagnons ils ont entendu ça, ils ont dit, subhanallah, comment un musulman qui vient chez nous, on doit le renvoyer. Donc c'était ça l'accord qui a été conclu entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Suhail ibn Amr. Et dans cet accord, ils ont dit que les sentiments de haine réciproques doivent être maîtrisés, pas de traîtrise, pas de rapide, point de filonie, etc. Pas de vol, pas de... Ils ont voulu que leur caravane soit en sécurité. Et ils ont dit aussi que quiconque souhaitera entrer dans le lien et le pacte de Mohammed, qu'il le fait, et quiconque souhaitera entrer dans le pacte et le lien de Quraysh, qu'il le fait. Aussitôt, les notables de la tribu de Khuza'a, ils se levèrent, ils ont dit, nous rentrons dans le lien et le pacte de Mohammed. Ça veut dire, tout ce qui s'applique sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'applique sur eux. Et la tribu de Bani Bakr, ils déclarèrent aussi, ils ont dit, nous rentrons dans le lien et le pacte de Quraysh. Bon, cette alliance, c'est elle qui va faire un grand changement. Et là, ils ont dit aussi dans l'accord, ils ont dit, toi, Mohammed, tu t'éloignes maintenant, tu retournes à Médine. Tu ne fais pas la Umrah cette année. Tu ne fais pas la Umrah contre notre gré. Mais tu la fais l'année prochaine. Tu la fais l'année prochaine. Tu rentres à la Mecque, nous quitterons la Mecque et on te laisse 3 jours. On te laisse 3 jours. Et tu ne prends pas d'armes. Tu ne prends que l'arme du voyageur. Et tu ne brandis pas l'arme. Parce que le fait de brandir l'arme, ça veut dire qu'ils disent, tu ne montres pas ta fierté devant nous. Et 3 jours seulement. Et donc, c'était ça, finalement, l'accord, les grands points de cet accord qui a eu lieu entre le professeur Salam et les Quraysh. Les compagnons, ils ne croyaient pas ce qu'ils viennent d'entendre comment ça se fait. Ils ont fait le pacte de ne pas fuir, de combattre jusqu'à la mort. Ils sont tenus de l'Ihram, juste à côté de la Kaaba, juste à côté. Et le prophète sallam, il a vu dans le rêve, dans le ru'ya, qu'il fait tawaf autour de la... Et la vision du prophète sallam est véridique, il s'accomplit toujours. Comment ça se fait que maintenant, le pacte, il n'est pas... Il est contre eux. Il est contre eux. Ils n'ont pas cru. Ils étaient dans un désarroi, dans un silence maussade, si vous voulez. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il appela Ali. Le pacte n'a pas été encore écrit. Il appela Ali pour écrire ce traité-là. Et là, Suhayl ibn Amr est assis, le professeur sallam, et Ali qui va écrire. Le professeur sallam a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Commençons par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et Suhayl ibn Amr, aussitôt il sursauta. Il a dit non, on n'écrit pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ar-Rahman, on ne le connaît pas. Allah, on le connaît. Parce qu'ils connaissent Allah. Ils savent qu'Allah est le créateur, il gère l'univers, etc. Mais Rahman, on ne le connaît pas parce qu'il ne croit pas au Rahman. Et il a dit à l'homme, c'est juste le Rahman. قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا الله سبحانه وتعالى dit et quand on leur demande quand on leur dit prosternez-vous devant Rahman, ils disent qui est donc ce Rahman, tu nous demandes de nous prosterner devant quelqu'un que nous connaissons pas. Ils disent aussi de Rahman, c'est un homme de Yamama qui a appris le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. Donc ils ne croient pas au Rahman, au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Ali, efface Rahman. Et Ali, il a protesté, il a dit non, ce n'est pas moi qui efface Rahman ou envoyé d'Allah. Et puis le prophète sallam a dit, montre où se trouve Rahman. Ali lui montra, et puis le prophète sallam, de sa main noble, il effaça à Rahman. Il a voulu que l'accord soit accompli. On va parler pourquoi. On va discuter sur ces points-là. Et puis, ils ont marqué au lieu de Bismillah Rahman Rahim, Sahib Ma'amr a dit, écrivez ce qu'on écrit d'habitude, Bismikallahum, comme ils l'ont fait dans Sahifa, quand ils ont fait la mise au banc du clan de Bani Hashim, etc. Ça, c'est à la Mecque. Ils ont écrit Bismikallahum en ton nom, ô Allah. Et le prophète sallam, il a dit, tels sont les termes de la trêve signée entre Mohammed, l'envoyé d'Allah, et Suhail, le fils de Amr. Et Suhail protesta de nouveau. Il vient de commencer, déjà il proteste, et les compagnons, Ils bouillonnent. Le traité, il n'est pas en leur faveur, et Souheil, c'est comme s'il met encore le couteau dans la plaie, ou il enfonce le couteau dans la plaie. Et Souheil a dit, non. Si on savait que tu étais l'envoyé d'Allah, on ne t'aurait pas combattu. Si on savait que toi, tu es le messager, tu nous ramènes le message d'Allah, il n'y aurait même pas ce problème, il n'y aurait même pas cet accord, on ne t'aurait même pas combattu. Marc, Mohammed ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Le prophète sallam demanda à Ali, efface l'envoyé d'Allah. Ali lui a dit non, l'envoyé d'Allah, il ne m'appartient pas d'effacer ce terme-là. Où est-ce qu'il se trouve? Il a dit ici. Puis le prophète sallam effaça de sa main l'envoyé d'Allah. Et puis, quand ils sont en train d'écrire de ce pacte-là, ils n'ont même pas encore terminé qu'on a entendu un bruit de l'extérieur. C'était Abu Jundul, radiallahu anhu. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari. Abu Jundul, il est le fils de Souheil. Celui qui est en train de conclure le pacte avec le prophète sallam. Souheil ibn Amr, il était mécréant. Et son fils est musulman. Et Souheil ibn Amr, enchaîné et tout, il s'est enfui de la Mecque et il a couru quand il a su que le prophète sallam est dans le Hudaybiya, il a couru vers lui. Il s'est échappé, il a couru vers lui, traînant derrière lui toutes les chaînes et tout. Parce que son père, il l'a emprisonné, il ne l'a pas laissé quitter la Mecque quand il a su qu'il s'est converti, qu'il a embrassé l'islam. Et qu'il est rentré dans un état lamentable. Il était sous la torture et tout. Et il a dit, envoyé d'Allah, emmène-moi avec toi. Abu Jundul, il n'est pas au courant du pacte qui est en train d'être conclu. Et directement son père, Souheil ibn Amr, le père a pris son fils, il a entouré la chaîne autour de son cou, il a dit, c'est mon fils. L'accord, on l'a déjà fait. Il a dit, celui-là est le premier sur qui doit s'appliquer cet accord. Le prophète sallam l'a dit, nous n'avons pas encore terminé d'écrire. Mais, et puis Souheil, il a dit, la parole ne vous suffit-elle pas? Le prophète sallam l'a dit, il nous suffit la parole. Parce que, dans le fait, même si l'accord s'effectue comme ça par la parole, même si on ne l'écrit pas, l'accord, ça y est, il est conclu. C'est-à-dire, il s'applique. Même avec la parole, il s'applique. Le prophète sallam a dit, nous n'avons pas terminé d'écrire. Pas pour annuler l'accord ou quoi que ce soit. C'était juste pour que Souheil se montre un peu conciliant. Tu vois? Se montre un peu conciliant. Et puis le prophète sallam, il a dit, rends-le nous donc. On est en train de faire une trêve et tout, donc fais exception pour Abu Jundul. Et Souheil Ma'amr, il a refusé. Et puis il y avait Mikraz qui était un associateur, il a dit, il va le rendre. Mais il a dit, il va le rendre, c'était pas pour le rendre au prophète sallam, mais jusque Mikraz a dit que c'est moi qui va le protéger. Il ne va pas être chez son père, il ne va pas être torturé par son père, c'est moi qui va le protéger, il va être chez moi. Et le prophète sallam, il a accepté. Il a accepté, puis Abu Jundul, il ne comprenait pas ce qui se passe. Il vient au prophète sallam pour que le prophète sallam le protège, le prophète sallam le rend aux mécréants, il commence à s'écrier. Oh musulmans, envoyé d'Allah, vais-je être restitué aux idolâtres alors que je suis musulman? Ils vont m'éprouver dans ma religion, je risque d'apostasier ma religion. Et son père, il le traînait pour le rendre au mécréant. Il a pris comme ça par la chaîne et les compagnons sont en train de regarder sans pouvoir réagir. Parce que le professeur sallam, il a décidé ainsi. Et là, le professeur sallam, il ne cessa de répéter quand il traînait son fils. Il lui dit à Abu Jundul, supporte, patiente. Supporte patiemment ton épreuve et compte sur la récompense d'Allah. Allah saura te pourvoir ainsi qu'aux autres opprimés une issue heureuse. Il va trouver une issue. Faraj, Inch'Allah. Il a dit, nous avons conclu un accord, un arrangement avec ces gens-là et nous devons respecter mutuellement cet accord. Et au sein de cette atmosphère explosive, les compagnons, ils regardaient et c'est Omar qui a réagi. Omar, il a pris l'épée comme ça, il le tendait à, il le tendait à Abu Jundl. Il le tendait comme ça. Il a dit, Abu Jundl, innama al-mushrikuna najas. Les associateurs sont impurs. Le innama damuhum damu kalb, damu ahadim damu kalb. Le sang de l'un de leurs, il vaut le sang d'un chien. Tue-le. Et Omar al-Khattab, il a expliqué après ceci. Il a dit, j'ai voulu qu'il prenne l'épée et qu'il tue son père, parce que lui, si vous voulez, s'il tue son père, ça y est, c'est que le prophète sallam l'a déjà livré, il a... Donc, le prophète sallam n'a pas violé le pacte. Et Omar al-Khattab, il ne peut pas tuer ce Ibn Amr, parce que lui, il fait partie de ce pacte. D'accord? Donc, il a voulu que Abu Jundl tue son père. Mais Abu Jundl, dans l'état où il est, il n'a pas pris l'épée et l'accord, le traité, il fut conclu. Le traité en apparence, il est contre les musulmans, il est en faveur des Quraysh. Et puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conclu ce pacte-là. Omar ibn Khattab n'était pas content. C'est quoi Omar ibn Khattab avec la fierté de l'islam, etc. Il n'était pas content, il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, ne tue pas le prophète d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes. Il a dit, ne sommes-nous pas les musulmans, et ne sont-ils pas les mécréants? Il a dit certes. Puis il lui a dit, ne nous as-tu pas dit qu'on va visiter la demeure sacrée, qu'on va faire tawaf, la tête rasée? Et puis le prophète sallam, oui, il a dit oui. Je te l'ai dit, mais est-ce que je t'ai dit qu'on va le faire cette année? Est-ce que je t'ai dit qu'on va le faire cette année? Et Omar ibn Khattab, il ne se tue pas, mais il a dit, alors pourquoi on va accepter de nous humilier contre le déshonneur de notre religion? Comment? On est les plus... nos morts sont au paradis, leurs morts sont en enfer, alors comment se fait-il qu'on va nous humilier devant eux? Et le prophète sallam, il a dit, je suis l'envoyé d'Allah et je ne lui désobéirai jamais. Et Omar ibn Khattab, malgré ça, il est resté bouillant d'indignation et il alla voir Abu Bakr. Il tint les mêmes propos à Abu Bakr, lui dit, nous ne sommes pas les musulmans, et eux les mécréants, nous ne sommes pas dans la vérité, pourquoi acceptons alors de nous humilier contre l'honneur de notre religion? Abu Bakr lui dit, c'est l'envoyé d'Allah, il faut l'obéir, et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne l'abandonnera jamais. Donc, enfin, tous les compagnons, ils étaient avec l'avis de Omar ibn Khattab, sauf Abu Bakr, plus avant, qui était du même cœur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais bien sûr, Omar ibn Khattab, parce qu'il y a des gens qui critiquent Omar ibn Khattab pourquoi il est intervenu ainsi. Mais ça, ce n'est pas un défaut de Omar ibn Khattab, c'est une qualité. Ce n'est pas un défaut. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu baisser la tête devant les mécréants. Et il a voulu qu'on lui explique. Il a fait l'ijtihad, comme a dit Ibn Hajar. Il a fait l'ijtihad, et il s'est trompé, et il a une récompense quand quelqu'un... Il a hakam al-hakim, fajtihad fa'asaba falahu ajr, wa idha hakam fa'asaba falahu ajran, wa idha akhta'a falahu ajr. Si quelqu'un, il a fait l'effort, si un juge a fait l'effort, et qu'il a raison, il a deux récompenses, et s'il se trompe, il a une récompense parce qu'il a fait l'effort. Donc ce n'est pas un défaut de Omar, c'est une qualité, parce qu'il n'a pas voulu baisser la tête devant les mécréants. Le prophète sallam, jusqu'à maintenant, il s'était tenu à l'écart des compagnons. Cette fois, il ne les a pas consultés sur cet accord. Les Quraysh et sont retournés, puis le prophète sallam a dit, levez-vous et sacrifiez vos animaux et rasez-vous la tête. Ça y est, on fait demi-tour. Le rapporteur du hadith, c'est le Miswar ibn Makhrama et Marwan ibn al-Hakam, ils ont dit, par Allah, personne ne se leva. Le prophète sallam l'a dit, levez-vous. Il a dit une deuxième fois, levez-vous, on va faire demi-tour. Sacrifiez vos offrandes et rasez-vous la tête, on va rentrer à Médine. Personne ne se leva. Une troisième fois, personne ne se leva. Personne ne se leva. Ils étaient perplexes devant cette situation. Ils n'ont pas compris pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ainsi. Et Ils ont veillé. Pourquoi? Parce qu'ils ont, vu toutes leurs espérances s'écrouler. Rien, ni combat, ni Umrah, ni. Et en plus, l'un de leurs. Que les mécréants prennent et le mettent avec. Avec dans leur clan, ils n'ont rien compris. Ils étaient ébahis. Et puis le prophète sallam, il n'a pas. La troisième fois, il n'a pas répété. Il a craint que si la quatrième fois il leur demande et qu'ils ne répondent pas, il risque que le châtiment d'Allah tombe sur eux. Et il alla directement, il rentra directement dans sa tente, et il y avait sa femme, Umm Salama radiallahu anha, une femme de très bon conseil. On sait que c'est, subhanallah, des fois les femmes, elles donnent des très bons conseils. C'est pour ça qu'il est recommandé dans la religion que l'homme, il consulte sa femme. Il ne l'avait pas carrément à l'écart. Umm Salama radiallahu anha, quand il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son état, il lui a fait le récit de ce qui s'est passé et lui a dit au prophète d'Allah, ne leur parle pas. Ne leur parle pas parce qu'ils étaient attristés à cause des concessions que tu as données pour la trêve et le retour sans rentrer à la Mecque. Sacrifie ton offrande, appelle ton coiffeur sans leur parler, ils vont te suivre. Ne parle à personne. Le prophète sallam sortit aussitôt de chez Umm Salama, il sacrifia son offrande, le chameau, et appela son coiffeur, Khurash ibn Umayya ibn al-Fadl al-Khuzai, radiallahu anhu, qui lui rasa la tête, et se défit de sa tenue de l'Umrah. Donc quand quelqu'un il veut faire le pèlerinage et qu'il est bloqué par des ennemis, que les gens l'interdisent de rentrer dans le haram, il se défait de son ihram, et s'il ramène l'offrande, c'est-à-dire la bête qui est destinée à être sacrifiée pour Allah, il la sacrifie et il se rase la tête et il retourne. Et donc quand les compagnons ont vu le prophète sallam se raser la tête, immédiatement tous se levèrent et allèrent faire leur sacrifice. Et ils mettaient tant d'empressement, tellement ils étaient tendus que les uns tombaient sur les autres. Quand ils ont vu le prophète sallam, ça y est, maintenant la chose est imminente, il faut faire demi-tour. Ils ont sacrifié leurs offrandes et chacun, ils se sont rasés mutuellement la tête et tellement ils mettaient tant d'empressement que les uns blessaient les autres, tellement ils étaient tendus et énervés, mais ils doivent obéir au prophète sallam que les uns blessaient les autres. Et bon, on peut déduire de ça, la da'wah par le comportement est très importante. Voyez, le prophète sallam, quand il leur demanda de faire, de sacrifier, de se raser la tête, personne n'a obéi, mais quand lui-même il l'a fait, ils l'ont tous suivi. Donc, quand on propage et quand on met en pratique la chose qu'on propage, elle a plus d'effet sur les gens. Et quand ils se sont rasés, le prophète sallam, il s'écria, il a dit qu'Allah bénisse ceux qui se sont rasés. Et les compagnons, ils ont répondu, et ceux qui ont juste écourté le cheveu envoyé d'Allah. Et le prophète sallam répéta une deuxième fois, qu'Allah bénisse ceux qui se sont rasés. Et les compagnons, ils ont répondu, ils ont dit envoyé d'Allah, et ceux qui s'étaient juste coupé les cheveux. Et le prophète sallam, troisième fois, il a dit, qu'Allah bénisse ceux qui se sont rasés. Et ils ont répondu, et ceux qui ont juste écourté les cheveux, et la quatrième fois, le prophète sallam a dit, et ceux qui s'étaient juste coupé les cheveux. On posa la question au prophète sallam, lui demanda, pourquoi tu as favorisé les gens qui se sont rasés la tête? Le prophète sallam lui a dit, parce qu'ils n'ont pas douté. Ça veut dire, quand ils ont vu le prophète sallam raser sa tête, ils l'ont rasé eux-mêmes. Donc après avoir quitté le Hudaybiyah, dans un endroit qui s'appelle Qura al-Ghamim, donc c'est vers le nord, Qura al-Ghamim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reçut la révélation de la sourate al-Fath, inna fatahna laka fathan mubina, al-Bukhari, dans hadith 4177, 4833, 5012, et ce hadith-là est rapporté également par Tirmidhi et par l'imam Ahmed. Il a dit, quand ils furent mis en route pour retourner à Médine, Omar ibn al-Khattab fut pris de remords. comment il a réagi ainsi devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, devant Abu Bakr, et il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il a voulu entamer la discussion avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il posa une question, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu. Puis il posa une deuxième fois une question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu. Une troisième fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu. Puis il s'est éloigné du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, qu'Allah te perde, ô Omar, tu as désobéi à l'envoyé d'Allah. Il a dit, j'ai craint qu'Allah nous révèle quelque chose sur l'envoyé d'Allah qui puisse me condamner. Et il fut pris de crainte, d'appréhension, il a eu peur. Il s'est éloigné, il a rejoint les autres compagnons, jusqu'à ce que l'héros du prophète sallallahu alayhi wa sallam appela Omar. Omar vient. Et quand Omar il a entendu son nom, il a dit, ça y est, Allah il a révélé à son envoyé quelque chose qui va me condamner. Il alla voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ô Omar, une sourate est descendue sur moi, qui m'est plus chère que tout ce qui se trouve sous le soleil. Sourate al-Fath. Inna fatahna laka fathan mubina. En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante. Fath, ça veut dire ouverture, ça veut dire une victoire. Afin qu'Allah te pardonne tes péchés passés et futurs, qu'il parachève sur toi ses bienfaits et te guide sur une voie droite. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayk wa yahdiyaka siratan mustaqima. Dans le hadith de Majma' ibn Jariya, rapporté par Abu Daoud, un homme, il dit, envoyé d'Allah, c'est un fait, c'est une victoire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, par celui qui détient mon âme dans sa main, c'est un fait, c'est une victoire. Alors qu'en apparence, ce n'est pas une victoire. Donc, fait, ça veut dire Al-Hudaybiyah, le pacte lui-même, ce pacte-là qui ce pacte que quand on le lit au début, on croit que c'est en faveur des mushrikines, des associateurs, alors qu'il ne l'est pas. Alors que ce fait-là ne l'est pas. On va parler pourquoi, on va dire pourquoi. Donc, fait dans ce verset-là veut dire Al-Hudaybiyah. Mais dans d'autres versets, par exemple, Idha ja'a nasrullahi wa al-fath, lorsque vient le secours d'Allah et le fait qui est dans ce verset-là, c'est Fath Mecca. D'accord? Donc, dans Surat al-Fath, ça veut dire Al-Hudaybiyah. J'ai dit pourquoi Al-Hudaybiyah est considéré comme victoire, alors qu'en apparence, c'est une défaite. Maintenant, faisons le compte. Depuis la révélation jusqu'à Al-Hudaybiyah, 13 ans à la Mecque et 6 ans à Médine, 19 ans. Le bilan, 1400 vrais croyants qui ont été avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Entre l'Hudaybiyah et la prise de la Mecque, même pas 2 ans. Ceux qui sont rentrés à la Mecque avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient au nombre de 10 000. 10 000, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a fait de ce grand changement? C'est que quand il y avait l'accord entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Quraysh, il y a une chose très importante, c'est que la porte de la da'wah fut ouverte. Ça veut dire que les Quraysh qui bloquaient, qui essaient d'éteindre la lumière d'Allah, maintenant ils sont en accord, ils sont dans une trêve avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc ils ne vont plus lui barrer le chemin. Il n'y a plus maintenant d'Abu Lahab ou des gens comme Nadr ibn al-Harith, comme Abu Jahl qui ont essayé de toute leur force barrer le chemin d'Allah, qui ont de barrer, d'étouffer la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il y avait la trêve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a isolés. Ça veut dire qu'ils lui ont laissé le chemin de faire la da'wah. De faire la da'wah, d'aller voir les autres tribus, d'aller propager. Donc, quand la porte de la da'wah fut ouverte, quand il n'y a pas des gens qui ressemblent à Abu Lahab, quand il n'y a pas des gens qui ressemblent à Abu Jahl, Et il y a toujours des gens qui ressemblent à Abu Lahab, il y a toujours des gens qui ressemblent à Nadab al-Harith quand il essaie de rivaliser avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il essaie de faire une pression médiatique quand il racontait lui aussi des histoires au Quraysh, il leur disait par quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est meilleur orateur que moi. Là, quand l'islam il est présenté aux gens pur, simple, l'islam, mais pas n'importe quel islam. L'islam dont dit Allah subhanahu wa ta'ala, inna dina inda Allah l'islam. La religion acceptée par Allah, c'est l'islam. L'islam, cet islam-là, qui se trouve dans le Coran, pas l'islam qui est entaché par les innovations. Quand cet islam pur est présenté aux gens, les gens, ils rentrent en islam. Les gens, ils l'acceptent. Dans leur fitra, ils acceptent cet islam.